Il y avait deux matchs au programme hier au tournoi Bantam dans le secteur de Mississauga. On parle avec le président, le président du CA du tournoi Bantam, Pierre-Luc Ménard, pour nous raconter ce qui s'est passé dans les deux matchs. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, on va y aller avec les deux matchs au programme. D'abord, est-ce qu'il y avait pas mal de monde hier lors des deux rencontres? Oui, hier, une bonne assistance, vu qu'on avait quand même deux, nos deux équipes locales commençaient, là, donc les gens étaient au rendez-vous. OK. Donc, vas-y avec les deux matchs. Oui, bien, en fait, dans le A, là, nos loups du Lac-Saint-Jean-Nord ont remporté au compte de 7-3 contre les Bulldogs de Saint-Félicien. Donc, ça augure bien pour eux le tournoi. Pour ce qui nous rappelle, malheureusement, ils l'ont échappé en fin de troisième période avec un quatrième but pour les Patriotes. Donc, à 2 minutes de la fin, donc ils ont perdu 4-3, malheureusement. OK. Donc, ce soir, normalement, jeudi, il y a un petit peu plus de matchs. Donc, vas-y avec les rencontres. Normalement, vous allez passer à 3 matchs, je pense, ce soir? Non, ce soir, on est encore à 2 matchs. Ah, OK. C'est à partir de demain midi qu'on commence à midi et 20, demain midi, dans les deux arénas. Donc, on va avoir plusieurs matchs demain. OK. Donc, pour ce soir, c'est vraiment encore un programme double. Donc, on a nos rapides. On joue à 7h15 contre les Marquis de Jonquière, une très bonne équipe. Donc, évidemment, ça va être très intéressant à venir voir parce que c'est une belle équipe les de Tam-Tam 2B cette année. Ils jouent très bien. Pour ce qui est de nos éperviers de Lac-Saint-Jean-Nord, donc ils commencent ce soir contre les Sables de Robertval dans le Bantam B à 18h. OK. Donc, on va y aller avec... puis le prix d'entrée est de combien? C'est 6$ pour les adultes, 2$ pour les adolescents, 13-17 ans. Pour la passe du tournoi, c'est 15$ pour les adultes. Et on rappelle que c'est sur le président d'honneur... c'est le président d'honneur qui est Robin Bouliane de BR Metalt, personnalité très dynamique dans le milieu. Exactement. OK. Donc, on pourrait peut-être prendre le temps de remercier quelques commanditaires, parce que sans ça, c'est évidemment la tenue d'un événement comme ça serait impossible. Donc, vous voyez que sûrement BR Metalt est commanditaire majeur. Oui, évidemment, BR Metal commanditaire majeur. On a GA Jean-Marie Tremblay et Fils qui est commanditaire majeur aussi. On a Lettré Labbé, Mario Imbeau qui est commanditaire majeur. Ensuite de ça, on a Intersport. On a Stéphane Leroy, Intersport de Beauce-Assigny. On a Santa Hi-Fi. Puis on a Chocolaterie et Pâtes Rapistes qui sont nos commanditaires or. Donc, c'est vraiment nos gros commanditaires qui vont supporter là, énormément cette année. OK, OK. Donc, Pierre-Luc, on s'en parle. Demain matin à la même heure? Oui. Voilà, donc Pierre-Luc Ménard, qui est le président du nouveau conseil d'administration du tournoi Bantam dans le secteur de Mississauga.